toi, le guerre est toujours pas. Cette extension de corps chasse le temps. On permet de danser son passé, son futur. Oui, la vision, quelle sensation d'oublier le temps. Mais le mal grandit seul sous la pluie. Et même les filles des joies, t'en as assez de tout ça. Je comprends le malheur de ne pas trouver sa place. Quand la lumière cesse, quand l'amour viendra, quand l'oubli sera là, quand le corps disparaîtra. Oublie le malheur qui ronge ton cœur. Oublie les pensées négatives. Les gens courir par mon argent. Oublie les lois qui gâchent la vie. Oublie le besoin pour renaître dans l'instant. Retrouver l'innocence, la pureté de l'oubli, avoir encore envie, bien marcher bien après. Retrouver l'envie dans un monde détruit, même sans âme et sans fruit. Sur tes pas. Thank you.